la même, deuxième. Au sein d'un asile champêtre, où Damis trouvoit le repos, le plus paisible des ruisseaux, parmi les fleurs qu'il faisoit naître, rouloit nonchalamment ses flots. Au campagnard, il prit envie d'emprisonner dans son jardin cette eau qui lui donnoit la vie. Il prépare un vaste bassin qui reçoit la source étonnée. Qu'arrive-t-il? Un noir limon trouble bientôt l'onde enchaînée. Cette onde tourne en poison. La tendre fleur, à peine éclose, sur les bords se penche tristement. Adieu, l'œillet, adieu, la rose. Flore s'éloigne en gémissant. Ce ruisseau, c'est l'amour volage. Ses fleurs vous peignent les plaisirs qu'il fait naître sur son passage. Des regrets et des vains soupirs, ce limon perfide est l'image. Et pour ce malheureux bassin, l'on assure que c'est l'hymen.